Chapitre 15e, une promesse. Le train pour la direction de Pontarlier était annoncé. Comme pour prêter à cet instant une signification symbolique, le soleil, qui brillait dans un ciel d'hiver relativement pur, se voila de nuages. Débarrassé enfin du notaire et de ses amis que l'automobile emportait, Delmont s'approcha de Perrette. Sentiment étrange. Il hésita avant de l'aborder, le cœur saisi par une soudaine timidité. C'est qu'il ne se trouvait plus en présence de la jeune fille espiègle des bords du lac. Non, les yeux ne souriaient pas, malicieusement comme à l'ordinaire, et les plis de sa bouche contribuaient à lui donner une expression un peu désabusée et un peu lasse. Elle semblait être devenue comme sa propre sœur aînée. Enfin Delbon se décida. « Mademoiselle. » Elle le regarda bien en face. Une douceur rayonnait de ses prunelles, et elle ramena sur elle son étole de fourrure, comme pour s'y blottir frileusement. Il continuait. « Si je ne suis pas important, je désirais vous présenter encore une fois mes hommages. On l'a justement écrit. Partir, c'est mourir un peu. » Elle se moqua. « Vous êtes gai ?» Et elle ajouta, à voix basse, et sans doute pour elle-même. « Oui, on se rencontre et on se quitte. » Il compléta. « L'on se retrouve aussi. » Il renforça le tour sentimental que prenait la conversation. « Croyez que je regretterai le petit chaperon rouge, les entretiens que j'ai eus avec lui ?» Et même certaines voix que j'entendis sur le lac le jour de mon arrivée. Du coup, elle retrouva son enjouement. Vous avez entendu les voix. Prétendriez-vous à l'auréole des bienheureux? Ce serait fâcheux, car je serais obligé de me prosterner dans la poussière. Il remarqua presque tristement. Vous plaisantez. Elle répliqua. Vous ne voudriez cependant pas que je pleure. Il s'enhardit. Ah, certes non, mais pourquoi vous le dissimulez? Il m'est pénible de vous voir toucher avec tant de gaieté, d'insouciance, à des souvenirs communs que je considère avec émotion comme un trésor particulier. Et elle plaisanta encore, mais l'allure d'attendrissement qui émanait de ses prunelles apportait un démenti au ton d'ironie de ses paroles. Un trésor que vous auriez de la difficulté à monnayer. Il fit effort sur lui-même pour ne pas exagérer son propre trouble. Que vous êtes donc déconcertante. On jurait que vous vous amusez sans cesse à me décevoir. Je me demande quelle est votre réelle nature. J'ai l'intuition, la certitude, que vous êtes une bonne petite âme, affectueuse, sensible. Et puis crac, brusquement, vous lancez un trait, une pointe. La vérité se dégonfle. Je reste penaud. Elle rit franchement. Mais savez-vous que votre accusation est grave, très grave? Comment pouvez-vous avoir encore quelque estime pour moi? Mon Dieu! Je ne me croyais pas capable et coupable d'une telle duplicité. Aussi, je n'accepte pas le réquisitoire comme une condamnation. Je ne m'inclinerai que devant des preuves formelles. Il s'écria, des preuves, ou tout au moins des présomptions. Mais elles abondent. Je n'ai que l'embarras du choix. Votre émotion, par exemple, quand vous avez surpris, dans l'ombre d'une chapelle, certaines conversations où mes intérêts, mon existence peut-être, étaient en jeu. Elle décocha. Et vous concluez? Il saisit la balle au bond. Je conclus que je ne vous suis pas aussi indifférent que vous me donnez à entendre. Elle détourna l'allusion par une équivoque. N'ai-je pas lu quelque part que l'on doit aimer son prochain comme soi-même? Il se taisait, préoccupé à s'évertuer de saisir le fil qui lui permettrait de débrouiller les chevaux des sentiments d'un cœur de femme aussi complexe. Elle interrompit la méditation. Vous avez l'air absorbé du docteur Faust dans son laboratoire. Il ne releva pas le badinage, il pensait. Il se rendait compte soudain de l'importance de la place prise dans son existence par le petit chaperon rouge. Ce que le château du reliquaire paraîtrait morne à présent qu'il serait certain de ne plus rencontrer la jeune fille dans ses environs. Ah, la solitude des bois qui entourait sa demeure lui pèserait, maintenant d'un formidable poids aux épaules. Si tenace qu'il fût et peu prédisposé au découragement, il éprouvait l'envie d'abandonner une partie qui ne l'intéressait plus. Elle souligna l'air morose de Delbon d'un « Vous avez tout à fait la contenance d'un chevalier de la triste figure et votre canne ressemble à un tronçon de lance. » L'irruption ne l'amusa point. Une question ardente lui monta aux lèvres. « N'aurais-je pas l'occasion de vous revoir? Ne la créerons-nous pas, cette occasion ?» Elle répondit « Évidemment, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Toutefois, c'est peu probable. Je quitte le pays où la destinée m'a transplanté par hasard pendant quelques années. » Il est hors de doute que je n'y reviendrai jamais. Jamais. Oh, je sais bien que nous pourrions nous revoir ailleurs, mais... Elle hésita, se décida. N'êtes-vous pas attaché au château du reliquaire, au moins pour quelque temps, comme la coquille au rocher, comme la poix au lignal. Ciel ! Elle avançait cela au moment où, dût-il en perdre son héritage, il se proposait presque de renoncer à un séjour dorénavant dénué de tout attrait. Fallait-il donc qu'il lui fût si indifférent, pour qu'elle n'eût pas même l'intuition obscure de ce qui se passait en lui ? Un grand découragement l'envahit. Son avenir s'assombrissait. Non, il ne lui permettrait pas de jouer ainsi avec son propre cœur, même par ignorance. Il protesta. Attaché, attaché, qui vous permet de supposer ? Elle avança sur ce ton demi-sérieux, demi-plaisant, qui lui prêtait une véritable allure d'énigme, l'expérience. À son tour, il railla. Il vous convient assurément de parler d'expérience avec votre grand âge. Elle renchérit sur sa boutade. La valeur n'attend pas le nombre des années. Et un peu agressive, déclara. Je ne prétends pas d'ailleurs à ce que l'on consente à perdre un revenu pour l'unique satisfaction d'admirer ma modeste personne. Il riposta du tac au tac. Vous ne prétendez pas, c'est possible. Mais dites-moi franchement, l'espérez-vous ? Elle s'humilia comiquement. Je n'ai pas cette sotte outrecuidance. L'heure de la séparation s'avançait. Un grand mouvement se dessinait près d'Henri et de Perrette. Les voyageurs s'affairaient sur le quai, reprenaient en main les bagages déposés sur le trottoir. Le train ne tarderait pas d'entrer en gare. Elle eut un mouvement comme pour prendre congé. Delbon insista. Vous n'avez pas cette outrecuidance, soit, mais dans le fond, le tréfonds de vous-même. Osez la vérité sans phare. Cette toile ne répondit rien et se contenta de détourner légèrement la tête. Alors, ravi, il s'engagea, à l'étourdi. Eh bien, acceptez-vous de parier que si ma présence ne vous est pas trop importune, je passerai en votre compagnie, vous entendez, en votre compagnie, une partie du réveillon de Noël, du réveillon. Elle parut surprise, n'objecta plus rien. Le train pénétrait en gare. Delbon éleva la voix pour dominer le bruit de la vapeur fusante du convoi qui s'arrêtait. « Si je gagne, je gagnerai. Vous engagez à revenir ici au printemps ?» Elle se dirigeait vers un compartiment de dames seules. Il la suivit. Un employé cria. « Les voyageurs pour Pontarlier, en voiture !» Il insista, presque avec mélancolie. « J'attends une réponse. Vous me la refuserez ?» Touchée peut-être, elle accepta. « Ce pari vous paraît agréable. Je vous promets de ne pas me dérober à ses conséquences. » Il l'aidait à monter. Elle posa un pied souple sur la marche et il l'enferma lui-même dans le compartiment qui allait l'emporter seul vers sa destinée. La locomotive siffla. On ferma les portières avec fracas. Perrette apparut à la sienne. Les bielles commençaient leur mouvement rythmique. Elle se pencha un peu en dehors. Elle avait repris sa physionomie railleuse. Elle cria. « Vous savez, on ne contracte pas d'engagement si l'on n'est pas susceptible de le tenir. Or, vous ignorez mon adresse. »